Je peux plus m'arrêter d'y jouer, je suis devenu bien accroché. J'ai peur de me changer en bloc, il faudrait que j'aille voir le doc. Elle tombe sans arrêt, elles ne s'arrêteront jamais. Les petits briques qui tombent du ciel envahissent ta planète. Pour les faire disparaître en faisant des lignes par terre.